Cet instant magique qui nous a unis pour la vie. Malgré nos différences, malgré nos incohérences, c'est notre histoire. N'aie pas peur de me regarder au fond du cœur. Je suis à toi, je serai toujours là. N'aie pas peur de me regarder au fond du cœur. Lorsque j'effleure ta peau, n'aie pas peur de me regarder au fond du cœur. Je suis à toi, je serai toujours là. N'aie pas peur de me regarder au fond du cœur. Ensemble. Peu importe qui, peu importe.